L'amour, c'est comme une épinette qui épaule le son d'une clarinette. Dans mes promenades solitaires, j'ai entendu ce chant solaire. Mes doigts étrangement inégaux sont devenus complémentaires. Quand minuit des liens amicaux ont sorti du loup planétaire. L'amour, c'est comme une cigarette. Ça flambe comme une allumette. Sans l'union de nos sombres heures, il n'y aura point de joli cœur.